Chick. Chick. Chick. C'est le point J. J'ai le style indélébile, check. Difficile de suivre quand je suis en mode à ce qu'il a la ligne. Et puis tu te compares à la team, tu veux être la sixième étoile. Bosse quelques années mon pote et reviens me voir. On est cru, on est qui? La meilleure team du coin. Tes potes font les shows mec, mais ils fument du foin. Alors appelle vite Ken, qui te montre c'est quoi la cale. Un truc qui te scotche à la première taf, demande à Pan. Que des freestyles, que des freestyles, c'est ce que je fais. Je te sers le tout avec des glaçons pour que ce soit frais. Et puis l'effet que je fais à ta meuf, non c'est pas ma faute. Si ta meuf squatte des autres gars, bah c'est ta faute. Je gagne souvent mon flow de speed, tu peux m'appeler Lucky Luke. Tu n'iras jamais loin avec le tien vu qu'il pue et casse ta nuque. Quand Carapé quitte, fends le mic en deux. Je suis doté de télépathie. Je sais que tu kiffes et je sais que tu veux un feat. Moi là je veux un filtre, qu'on me casse pas les couilles. Je fais ce que je veux mec, je suis un artiste et piste sur piste. On surprend les petits cons et les aînés sur le micro. On te met des petits ponts à la Riquelme. On te bastonne avec les bâtons que tu nous as mis dans les roues. Putain dès qu'on est sur scène, c'est la panique dans les crews. Et je ne fais que constater les faits. Beaucoup de rappeurs sont faibles, manque de flow, manque de mots dans le fond. Vaut mieux qu'ils la ferment. J'endors plus croisant mes cernes, mon équipe a trop envie de ken. Mec il faut qu'elle perce, il faut qu'elle puisse toucher les oreilles de tous. Tu m'entends? Le Luxembourg est cerné, sortez tous les drapeaux blancs.